midi. Et se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main. En cadeau de la providence, à la fois pas penser au lendemain. Mais on voit things dying on the hill top, on thing living, on making fine, on the hill top. Mais on dit que l'île, tu vois tout le monde, t'es de ta condo. Xin anh luôn chẳng thích khi buồn mình em. Người xin dừng bước hãy cho nhau ngắm hương nhớ. Tình đôi ta sẽ nồng thắm như tình ngày xưa. Xin anh sẽ còn mãi không ngày nhạt phai. Ôi tình yêu như nàng ơi đừng xa vắng anh. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance que je puis. Chez lui, là-haut, vers le brouillard, elle descendait dans le midi, ils se sont quittés au bord du matin. C'était le temps des vacances, c'était fini le jour de chance, ils reprirent alors chacun leur chemin. On se fait un signe de la main. Mais on voit tình xanh thiết tha vòng tay người yêu.